essentiel.

Voilà donc, bonjour tous à vous toutes, il est 13h30, et bien voici le retour avec l'accordéon tous les dimanches. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé tout simplement une bonne matinée, et puis vous allez continuer de passer tout simplement bien aussi avec l'accordéon. Juste un instant, on a pu entendre un morceau de valse. Voilà, d'en faire un petit tour du côté de tous les pays. Voici tout simplement avec la valse, le tango, le country, et puis le passe-dole, d'autres morceaux d'accordéon différents. Voilà donc, bien, je vous laisse avec tout simplement, déjà le premier c'est l'accordéon en fait, et puis l'autre morceau c'est toujours l'accordéon, mais l'accordéon musette. vas aux champs, jusqu'au fond des vallées, quand les jours commencent à s'allonger. Tous les deux, on s'invente mille parcours à pied, pas besoin de prendre nos tickets. C'est l'Auvergne qui brille, qui nous fait en rêver par-delà les monts et les forêts. Allez, donne-moi la main, allez, prenons le chemin sous le bon vent de l'Auvergne. Et nous irons nous aimer dans les parfums de l'été, sous le bon vent de l'Auvergne. Nous irons nos matins bleus du soleil au fond des yeux, sous le bon vent de l'Auvergne. Et je te dirai quelle est plus belle la vie sous le ciel de mon pays. Nichés sur les volcans, quand la truite saute le torrent. Et déjà des clochettes s'avancent en chantant. Les troupeaux pour l'estive vont en rang. Les abeilles bourdonnent sous le chaume fumant. On voudrait bien arrêter le temps. C'est l'Auvergne en voyage du lever au couchant qui scintille dans le firmament. Allez, donne-moi la main, alors prenons le chemin sous le bon vent de l'Auvergne. Et nous irons nous aimer dans les parfums de l'été, sous le bon vent de l'Auvergne. Nous aurons nos matins bleus du soleil au fond des yeux, sous le bon vent de l'Auvergne. Et je te dirai quelle est plus belle la vie sous le ciel de mon pays. Arc-en-ciel. Voici donc le titre La Belle Bergère, et puis juste après on a fait un petit tour du côté du Berry. Bonjour, belle bergère, l'éclat de tes cheveux. Allez sur la fougère, venir les larmes aux yeux. Solette filante, ta quenouillette avec autant d'entrain. Mon cœur ne peut comprendre qu'une beauté si tendre n'ait pas d'autre destin. rêve. J'ai de la première dont je suis amoureux. Dans le Berry, il y a la Brenne. C'est pays. Poisson Mars, tout simplement un morceau valse, et puis juste après l'étoile Berry. voici du passe-noble. Chers auditeurs, Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Voilà, je mène du côté du Normandie. De Cherbourg à Trouville, du Tréport à Granville, moi j'en ai fait drôle, me rendez. De Mortagne à Coutances, de Cabourg à Avranches, j'en ai croisé bien des amitiés. Il y avait du cidre et du calvar, dans des balles qui n'en finissaient pas. Mon histoire est ici, depuis que je suis tout petit, et rien ne saurait changer ma vie. La Normandie, c'est mon pays, comme le beurre des vertes prairies, le camembert, les parapluies, le Mont-Saint-Michel, mon paradis. passion, là je suis sur mon accordéon. Et dans mon cœur, il est écrit, la Normandie, c'est mon pays. Le feuillet est d'andouille, ou bien poulot blanc, croyez-moi, le sais, l'ingrédient. L'omelette et la poudre, et même le pain perdu, au parfum, je les ai reconnus. Chaque année, je souris au printemps, j'offre une fleur à la mer en rêvant. Je reprends mon chemin, celui du musicien, sans chercher à forcer mon destin. La Normandie, c'est mon pays, comme le Verlet. Sure, I'm un morceau de country. Et puis juste avant de l'écouter, juste un instant, on a pu entendre quelques morceaux qu'on connaissait et raccordés en accordéon. Et puis juste après le Madison, on écoutera de la marche. Thank you. rose et blanc qu'une petite jeune enfant. Et bien ses beautés suprêmes, quand je lui ai dit je t'aime, m'a donné des fleurs me disant pas sœur, je veux faire ton bonheur. Je dis merci du bouquet, mais c'est pas ce qu'il faudrait. Si tu veux faire mon bonheur, ma robe blanche, mes souliers de satin, et dans un sapin, nous filons à tabarin. Elle ne dansait pas en dur, elle piétinait ma chaussure. Dans mon gâteau, elle plante à presto les pagaies de son chapeau. Tu me crèves l'œil, c'est gentil, mais c'est pas ça qu'il suffit. Si tu veux faire mon bonheur, sa fenêtre, chanter pour la voir paraître. Je suis malheureux car tes jolis yeux ont mis tout mon cœur en feu. Alors elle, par bonté d'âme, m'envoie pour éteindre ma flamme. Un seau d'eau vivante disant gentiment, es-tu plus heureux maintenant? Je lui dis merci du seau d'eau, mais c'est pas ce qu'il me faut. Si tu veux faire mon bonheur, elle dit je connais que le mariage. Je lui dis je veux bien aider le lendemain sans faire m'accorder sa main. Soir d'annonce après la fête, elle me dit en tête à tête, toi tu m'as donné ton nom à porter, moi je peux plus rien refuser. Ayant tiré les verrous, elle me dit mon cher est tout maintenant pour ton bonheur. Marguerite, Marguerite, maintenant. Si vous aimez les roses, voici donc l'accordéon avec les roses. Rouen la vague n'a fait qu'une escale en passant à l'île d'Ouessant. Et si le pilote à la barre connaît le nom de chaque phare, vous ne saurez pas le visage de celle qui sur le rivage regarde les bateaux passants. Au large d'Ouessant, sur vos cargos, sur vos voiliers, à matelots si vous vouliez nous faire l'honneur d'une escale, nos visages seraient moins pâles, nos âmes seraient moins moroses, et nous vous offririons des roses. Des roses aux couleurs de sang, des roses d'Ouessant, des roses aux couleurs de sang, des roses d'Ouessant. Sur vos voiliers, voilà le moment de vie. sous les lames qui vous attaquent. Et le vent qui sait toutes choses, c'est à quoi serviront les roses. Les roses aux couleurs de sang, les roses doux et sang, les roses aux couleurs de sang, les roses doux et sang. Voici un morceau dans le Berry, puis juste après la valse. Grande soirée d'été, quand les travaux sont terminés, et que la nuit, comme un grand rideau noir, descend sur notre vallée noire. Oh, quelles sont belles ces soirées de juillet, près des sillons où ondule les blés. Accablés de fatigue, fans et fanards, ils réparent la soif. Chantons, le village est en fête. C'est la vie de notre village, c'est la vie d'un village en mairie. Maison cachée au creux du bocage, ces étames accrochées au mur gris. Sur la place d'une église basse, une vieille auberge à l'enseigne qui s'efface. Et tout au bout, envahi par le lierre, dans l'ombre vaporeuse, quand les anciens sur le banc se souviennent du temps passé comme dans un rêve. Oh, quelles sont belles ces soirées de juillet, quand mille odeurs viennent se poser. Et quand le calme du soir, oh, quelle belle image, mon village s'endort comme un oiseau dans son nid. Au cœur du bocage, mon village, c'est la vie de notre village, c'est la vie d'un village en Berry. Maison cachée au creux du bocage, ses étals accrochés au mur gris. Sur la place, une église basse, une vieille auberge à l'enseigne qui s'efface. Et tout au bout, envahi par le lierre, un beau lavoir au bord de la rivière. chômeil. Ça sent si bon les vacances. Sur la route, le soleil qui nous met le cœur en confiance. Et tout près des monnaies d'hier, on trouvera la chaumière. Allons-y les gars, là-bas c'est sympa. Elles nous attendent les pastourelles. Toujours les bienvenus et jamais déçus dans le pays de Jean Séguren. De Poitiers jusqu'à Chaumeil, ça sent si bon les vacances. Sur la route, le soleil qui nous met le cœur en confiance. Et tout près des monnaies d'hier, on trouvera la chaumière. Allons-y les gars, là-bas c'est sympa. Elles nous attendent les pastorelles. Toujours les bienvenus et jamais déçu dans le pays de Jean Séguren. De la musette bourrasque. Thank you. voici la musette tout simplement du côté du Pays Basque. Et puis juste après, on ira faire du côté tout simplement d'autres morceaux du Fiesta. bonne femme, petite fleur du Pays basque, elle qui donne son âme chaque fois qu'elle s'enflamme. Quand arrive le week-end, alors là elle se démène, partout en France elle déchaîne la foule du bal musette, le public l'adore. Son accordéon magique et sa voix cristalline nous réchauffe le cœur. Petite, petite fleur du Pays basque, viens vite charmer notre cœur. Avec toi la vie est belle, tout s'éclaire et s'émerveille. Petite, petite fleur du Pays basque, viens vite donner du bonheur. Les gens qui t'aiment te rendront l'amour que tu leur apporteras toujours. Voici donc eh bien, la valse écossaise. Thank you. leur vivre, leur montagne, escoutou et au buisson, sans poser sur leur montagne, comme de jolis papillons. Les versants de nos montagnes, majestueux, plein de charme, résonnent comme animal à vie. C'est pour ça qu'on a la chance d'habiter le centre de la France, c'est là où je finirai ma vie. Tradition. Y'a Craponne et puis Marat, Ambérel et Clermontois, le Mont d'Or et Vulcanien, valent bien l'Himalaya. Oh, et les sangs de nos montagnes majestueux, plein de charme, résonnent comme un animal à vie. Oh, c'est pour ça qu'on a la chance d'habiter le centre de la France, et c'est là où je finirai ma vie. Voici donc la bourrée. Et puis juste après la valse. We'll be right back. voici donc la valse musette. L'autre semaine, Monsieur Saint-Gonéry, l'épingle au fond de la fontaine m'a prédit un mari. Je l'aime tant, mon Yann Yvon, à que je l'aime donc. À son retour, sa fiancée aura la bague au doigt. À moins que la mère plus pressée ne l'épouse avant moi. Je l'aime tant, mon Yann Yvon, à que je l'aime donc. Au large on voit des goélettes, ce sont les Islandais. Je vais revoir mon Yann Yvon, à que je l'aime donc. Sortons aussi nos catioles et nos galants à tour. Nous danserons comme des folles avant qu'il soit 8 jours. Voici venir mon Yann Yvon, à que je l'aime donc. Du côté de l'Espagne. Thank you. Arc-en-ciel. Voici donc l'accordéon du côté de l'Italie, et puis juste après, le Portugal. Son belle, cielo, mare, la luna e le stelle, le città, le campagne e il suo vino, ma l'Italia d'Europa è il giardino, ma però fra le cose più belle, le ragazze sia queste che quelle, son carine, gentili e graziose, sono nate per fare l'amor, le ragazze italiane, profumate come fior, sono belle come le stelle, sono nate per fare l'amor, le ragazze italiane, profumate come i fior, sono belle come le stelle, sono nate per fare l'amor. Un inganno, da Verona a Milano altrettanto, se d'inverno c'è un poco di nebbia, e l'estate si miete e si trebbia, a Torino, a Bologna, a Turrita, si lavora, si studia, c'è vita, le ragazze sia bionde che brune, sono belle e san fare l'amor, le ragazze italiane, profumate come i fior, sono belle come le stelle, sono nate per fare l'amor, le ragazze italiane, profumate come i fior, sono belle come le stelle, sono nate per fare l'amor. L'arno d'argento, come terena è un sol monumento, capri il sole che gran meraviglia, altrettanto Sardegna e Sicilia, occhio è bello le spiagge e i laghi, c'è di tutto se compri e se paghi, le ragazze però soprattutto sono belle e san fare l'amor, le ragazze italiane, profumate come i fior, sono belle come le stelle, sono nate per fare l'amor, le ragazze italiane, profumate come i fior, sono belle come le stelle, sono nate per fare l'amor. Peu Laval, c'est puis juste après la fête en Bretagne. Famille qui habitait dans le Quercy, une famille tranquille qui n'avait point de soucis, et cette famille-là n'était que mes grands-parents, et aujourd'hui je leur chante pour cette belle chanson. Voilà donc bien l'heure de bientôt se quitter. Voilà donc on va se terminer avec tout simplement d'autres morceaux d'accordéon. Mais c'est pour vous dire que l'émission bien sûr touche à sa fin. Voilà donc aussi, j'espère que vous avez passé tout simplement l'après-midi sur ma compagnie. On va se retrouver donc eh bien dimanche prochain. Toujours pareil, à partir de 13h30 jusqu'à 16h. Et puis on se retrouve aussi mardi et vendredi à partir de 13h30. Voilà donc, eh bien, je vous dis bon temps à tous et à vous toutes. Une cancoyote bien tartinée sur un bout de pain, ça fait du bien. Un petit canon pour rincer le tout, ça fait du bien. Un morceau de comté, bien affiné, accompagné d'un bout de morbier. Venez découvrir toutes nos spécialités dans notre magnifique région, la Franche-Comté. choisi l'honneur pour effacer la honte. Je suis sous ta fenêtre, ivrement, la musique de la fête tourne encore. Vent m'emporte dans la région, le corps et notre amour est mort. Le vin de Corse m'avait donné la force de t'avoir dit je t'aime. Le vin de Corse me réchauffe le corps, mais tu n'es plus la même. Les bateaux se baladent dans l'eau bleue de la mer ajaxienne et dans tes yeux. Le vin de Corse a érupé soleil, couleur des jours heureux. Il y a des amours tout autour de moi. Quand j'ai fait le tour de la terre, c'est rien sans toi. Oh, encore un verre. Ce soir, je te dirai pourquoi je bois. Pace, salute, salute, pace. Le vin de Corse m'avait donné la force de t'avoir dit je t'aime. Le vin de Corse me saoule comme un gosse et tu n'es plus la même. Sous une pluie d'étoiles, j'ai envie de jouer avec le feu, cette comédie. Mais toutes ces femmes te ressemblent un peu, m'entraînent dans la nuit. Na luta e falo já do Campeonato de Portugal, particularmente Machico e Camacha, pela sobrevivência na Série B. Campeonato de Portugal joga-se para a 21ª jornada. Duarte Gonçalves.